Bonjour. Eh oui, nous y voilà. Un nouveau cargo culte. Et alors, avec quoi au menu de celui-ci on est au-delà du culte, on est dans le culte, on est dans le classique instantané, on est dans un album même quasiment définitif. Tous les superlatifs ont été employés sur ce disque-là. Et franchement, a raison, et je pense que je vais en plus en ajouter sur le superlatif. Bienvenue sur un des plus grands disques pop de tous les temps, Loveless, My Bloody Valentine, 1991. Alors, on est en pleine célébration de Loveless, en plus. Chose qui n'était pas strictement d'ailleurs prévue au départ. Je me rappelle très bien quand, il y a finalement un an, j'ai commencé à préparer, à faire un listing des disques cultes qui pourraient potentiellement figurer dans ce programme. Bah, Loveless est tombé parmi les tout premiers, hein, sans surprise d'ailleurs, à tel point que je me disais, bon, on le garde pour la bonne bouche, quoi. Et finalement, oui, la bonne bouche, c'est maintenant, parce que le catalogue de My Bloody Valentine, finalement, a été un peu récupéré par ses auteurs. Hein. C'était Sony qui avait un petit peu le truc. Alors, il n'y avait pas non plus, c'était pas coincé, mais liberté maintenant au groupe, spécialement à Kevin Shields, son mentor, d'en disposer un peu comme il veut, puis surtout d'acter donc une réédition sur Domino des disques de My Bloody Valentine, mais enfin au cœur de celui-là, le pinacle My Bloody Valentine. Donc voilà, pour répondre à une forme d'actualité, mais finalement c'est pas tant l'actualité qui nous excite aujourd'hui que le disque, que le mythe et que son contexte. Alors revenons-y et avec délice. Oui, c'est un disque culte évident. Et alors, il a cette propriété finalement assez rare. Parce qu'entre le classique, un disque classique n'est pas forcément un disque culte, puisqu'il va totalement impacter immédiatement une génération. Et certes, créer l'histoire. Mais par disque culte, on entend souvent un disque dont l'impact va se faire ressentir une génération plus tard. Ou alors dans une communauté différente que dans celle où il avait strictement éclos à l'origine. Chez My Bloody Valentine et avec Loveless, on est sur les deux tableaux. Et il reste presque curieux que cet album, qui est totalement révolutionnaire, je vais en parler sachant que 99% d'entre vous connaissent ce disque, mais rappelez-vous que quand ce disque arrive, il bouscule toutes les conventions du genre, le son est complètement étrange, pour certains insupportable. Et malgré tout, ce disque aura de facto un concert de louanges. Une unanimité absolue. Et une unanimité 100% justifiée. J'ai cherché, et en vain, des critiques négatives de ce disque. Et j'en trouve pas. J'aurais presque voulu que quelqu'un argumente que oh, c'est pas bien, le son est trop aigu, il est trop médium. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais évidemment, toute la richesse du disque est là. Alors tout au plus, j'étais amusant de déceler quelques commentaires. Alors pour le peu d'auditeurs, peut-être un peu frustrés, qui sur des plateformes de vente, connues ou pas, laissaient quelques impressions en disant « Bon, c'est peut-être pas un disque si formidable que ça. » Bah si, c'est un disque formidable. C'est un disque formidable, c'est un groupe formidable, c'est une époque formidable. Il y a probablement la conjonction de quelque chose en 1991 qui fait que l'œuvre est encore plus belle qu'elle n'est. Alors on va y retourner dans cette conjonction. On va retourner sur le disque, en apparence un peu sibyllin. La pochette de Loveless montre une photographie d'une guitare extrêmement agitée, quoi. C'est, la photo est floue, distordue. Finalement, là, le mot est tout à fait juste pour le son de My Bloody Valentine. Tout ça, c'est sur un fond rose-rouge, quasi écarlate. Le nom du groupe apparaît de façon à peine visible, ton sur ton, sur le coin inférieur à gauche, My Bloody Valentine, tandis qu'effectivement, un œil exercé reconnaîtra une Jazz Master, une des guitares tutélaires, hein, finalement, du son shoegaze, dit shoegaze. La Jazz Master, c'est pas une nouvelle guitare, hein, c'était une des guitares de Fender. Fender s'était fait davantage de réputation avec des modèles comme la Stratocaster ou bien même la Telecaster. La Jazzmaster avait été laissée un petit peu de côté, tout comme la Jaguar qui lui ressemble un petit peu. Et ça, c'est des guitares qui, justement, parce qu'elles n'étaient pas très chères dans les années 80, ont commencé à tomber dans les mains de groupes qui, finalement, sans le sou, les ont remis au pinacle. Hein. En tête de liste, Sonic Youth, hein, qui aura allègrement usé de ces guitares-là. Alors, le contexte shoegaze, puisque oui, vous savez comment sont les Anglais, hein, dès qu'un genre apparaît, ou dès qu'un son apparaît, bah, y a un mot pour le définir. Et alors, je dois dire que, autant les Anglais peuvent nous énerver à inventer des noms et des courants qui, finalement, n'en sont pas toujours tous les 6 mois, mais autant là, le coup de génie du journaliste du NME, parce que c'est dans le NME que sort le mot pour la première fois, donc le New Musical Express, shoegaze, mérite un véritable coup de chapeau. Qu'est-ce qu'il faut entendre par shoegaze? Eh bien, finalement, on se rend compte qu'émerge, au milieu des années 80, dans la deuxième partie, on va dire, mais en pleine vague indie-pop déjà extrêmement vitalisée en Angleterre, une génération de groupes, au regard un peu timide, la tête toujours plongée non pas vers le public et à peine leurs instruments, mais sur leurs chaussures, et en l'occurrence sur un pedalboard, constitué de plusieurs pédales d'effet, et le plusieurs peut devenir énormément nombreux, et avec ce regard plongé donc dans ce parterre d'où semble émerger effectivement, telle des volutes de gaz, une inspiration géniale. Et voilà que ça devient shoegaze. Le mot est là. Il est adorable, il est absolument adorable. Il y avait 2 mots d'ailleurs qui cohabitaient, plus ou moins, pour définir un petit peu ce son dont on va parler aujourd'hui. Le shoegaze, c'est d'ailleurs ce son-là qui, enfin, c'est cette définition-là qui l'emportera. On a beaucoup parlé de dream pop aussi. Et alors, autant dans le shoegaze, on entend effectivement la pédale d'effet, on a ce geste finalement qui va être définitif et essentiel. Autant dans la dream pop, on se rapporte un petit peu plus à la voix, on pense à Elizabeth Fraser et Cocteau Twins, hein, qui ont été une des mamelles de cette dite dream pop. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, peu importe les noms. Mais c'est intéressant d'établir les origines. Et finalement, puisque je suis dans les pédales d'effet, autant distinguer les 2-3 pédales qui vont marquer justement le genre. Et ce sera particulièrement le cas chez My Bloody Valentine, sachant que, attention, le disque Loveless qu'on va entendre n'est pas fait avec 3 pédales mises bout à bout, loin de là. C'est au contraire un disque assez colossal, dont le traitement studio a été très très long et très très sophistiqué. Mais j'en suis pas encore là. Je vais revenir sur finalement une forme de définition, un shoegaze du pauvre, parce que ça peut se faire. Je le disais, ce son-là doit beaucoup, si ce n'est énormément, aux pédales d'effet. Et parmi celles-ci, certainement 2, voire 2 plus une essentielle, bah c'est 1, la reverb, mais la reverb en reverse. Et ça, c'est quelque chose qui peut se traiter de façon digitale. Et finalement, quand au milieu des années 80 apparaissent des pédales qui embarquent des effets digitaux très portatifs, c'est relativement nouveau. Non pas que les effets eux-mêmes soient nouveaux, mais avant, c'était dans des racks plutôt lourds et qui n'étaient pas forcément au pied des musiciens. Et aux choses magiques et qui finalement paraît relativement peu logique au regard d'un professionnel du son, c'est que la reverb elle n'est pas en queue de signal comme on peut penser très logiquement que va l'être finalement un traitement audio. Elle est avant la fuzz. Elle est avant la distorsion. La fuzz étant une distorsion nec plus ultra, en général avec un pitch supérieur qui vous donne ce son qui était extrêmement caractéristique des garage bands incisifs des années 60. Et bien sûr au-delà. Donc, imaginez un reverse de reverb qui rentre ensuite dans la fuzz. Tout de suite, c'est déjà une conception du son qui est assez nouvelle. Et pour le peu, pas exorbitante. On peut faire ça dans son garage. Hein. C'était à quoi s'est exercé la plupart des groupes d'e-shoegaze, dream pop, mais même indie pop globalement en Angleterre à ce moment-là. Puis un effet sacré aussi qui va être ô combien conjugué par My Bloody Valentine, mais aussi par d'autres gens qui les entourent, c'est le tremolo. Il y aura même un EP de My Bloody Valentine qui s'appellera le Tremolo EP. Donc le Tremolo, je fais... Voilà, le Tremolo dans la voix, comme on dit. Mais bon, dans les guitares, ça impressionne tout autant. Puis oui, bien sûr, bah voilà, ces guitares tutélaires, je les ai citées d'ailleurs, hein, la Jazzmaster qu'on voit en couverture de la pochette donc de Loveless de My Bloody Valentine. Attention, si vous voulez être geek, je fais des recherches sur le truc, c'est en l'occurrence un modèle de Jazzmaster japonais de Fender. Celui-là même qui avait utilisé Jamesis de Dinosaur Junior quelques temps auparavant. Parce qu'attention, c'est crypto-codé les références shoegaze. Et il y a dans le shoegaze un côté entre soi d'ailleurs. Hein. Et justement, c'est ce qui va donner de la force peut-être à l'ensemble avant que se dégage le groupe définitif et le grimoire définitif Loveless avec My Bloody Valentine. Bien sûr, si on parle essentiellement des guitares, il ne faut pas oublier les voix. Les voix du style shoegaze, elles sont traitées quasiment à l'identique que les guitares. Elles sont extrêmement éthérées, ultra réverbérées, et elles se posent finalement sur un ensemble souvent tonitruant et des nappes comme ça très fortes, comme une surnappe sur celle-ci. Et c'est comme ça que le deuxième album de My Bloody Valentine, Loveless, deuxième album qui est techniquement le troisième, mais parlons du deuxième album, et la voix de Belinda Butcher est finalement noyée dans un flou instrumental. C'est pas du tout même évident de clairement distinguer les paroles. Alors oui, je disais, deuxième album qui est en fait le troisième. Revenons un peu au premier. Allez, parce que déjà, de fait, le premier album de My Bloody Valentine, et qui est donc techniquement le second, suivez-moi bien, lui sort en novembre 1988. Isn't Anything. C'est sur Creation Record et The Label Indie Pop à ce moment-là, et The Label Dream Pop Shoegaze de facto. Et Isn't Anything, c'est déjà un disque parfait. En tout cas, extrêmement bon. Avec son premier morceau tutélaire, You Made Me Realize, qui va être un morceau un des étendards sur scène comme sur disque, hein, du groupe. Et c'est même d'ailleurs le premier EP qui ouvrira et promotionnera l'album. Un vrai brûlot sonique qui prendra d'ailleurs toute sa force et sa puissance de déflagration sur scène un peu après. Alors, puisque je dis qu'il y a... ce premier album est en fait techniquement le deuxième, bon, autant dire un mot du premier, qu'on verra apparaître après. Alors, ce premier disque ne contient pas le groupe définitif. Et puis, soyons francs, c'est amusant, c'est que là, on découvre un groupe qui n'est pas terrible, quoi. Qui est un peu engoncé entre des citations gothic rock, sûrement une inspiration évidente, Bauhaus, mais alors en version troisième sous-sol quand même. Des voix mal placées, et puis évidemment pas le son qui va faire My Bloody Valentine un groupe définitif. Mais alors évidemment, pour tout fan, c'est aussi extraordinaire et excitant de se plonger dans ses tout débuts et voir effectivement comment, en partant de peu, on arrive à très très haut. Creation Record, eux, sont déjà sur place. Et notamment, il y a pas mal de groupes de chez Creation. Mais on va en citer deux. Il y a Ride. Finalement, Ride a peut-être cette étiquette tutélaire du shoegazing. Tandis que The Jesus and Mary Chain, eux, ils en ont une forme de paternité et une légitimité absolue. The Jesus and Mary Chain, c'est le groupe des frères Reed de Glasgow. Et attention, il a déjà, il a déjà bousculé la place, il a déjà poussé le bouchon d'oreille très très loin au fond des tympans. La messe est dite déjà, hein, d'une certaine manière. Et quant à l'histoire du bruit dans le rock ou dans la pop, attention, il y a quelques quand même grands brûlots déjà qui les précèdent. On a le droit de commencer avec le Velvet Underground. Et puis évidemment, on poursuivra avec les expériences collectives ou séparées, effectivement, du membre du Velvet, avec comme point d'orgue Metal Machine Music de Lou Reed, par exemple. Disque dont on a parlé dans les colonnes de Cargo Cult, rappelez-vous. Donc finalement, quand Jason Machen, certes, et puis My Bloody Valentine prennent le pas, ils sont déjà dans une histoire. Mais effectivement, il va y avoir avec My Bloody Valentine quelque chose qui n'avait pas été fait. Peut-être même pas imaginé. Alors allons vraiment maintenant sur le groupe, délectons-nous un petit peu de leur histoire. Il faudra noter que c'est un groupe parfaitement mixte, deux femmes, deux hommes. C'est pas si fréquent que ça. À la batterie, Colm O'Quishog, membre fondateur hein, avec Kevin Shield du groupe. Bassiste, Debbie Googe. Et puis guitariste et vocaliste, Blinda Butcher. Et bien sûr, l'homme mentor, hein, finalement, et membre fondateur du groupe, Kevin Shield, son leader incontesté, au point que finalement, assez vite, et ce sera spécialement le cas du disque dont on parle aujourd'hui, Loveless, est finalement le disque d'un des murges, encore retranché et en studio travaillé, Kevin Shield lui-même. Donc allons-y finalement sur la fabrication de ce disque qui sera énormément attendre. Oh, ce sera un accouchement très douloureux et très long. Ça commence en 1989. Et autant tous les atouts sont là pour faire un bon disque. Un label en pleine hype. Suffisamment de moyens pour enregistrer un disque. Alors, on va dire suffisamment de moyens standards. Et il s'avère que Kevin Shield et le groupe My Bloody Valentine vont plutôt exploser cette notion du standard. Et de fait, le groupe va travailler en studio pendant plus de deux ans. Donc de février 1989 à septembre 1991. Dans la foulée, épuisés une douzaine d'ingénieurs du son. Parmi eux, Alan Mulder, qui est un ingénieur du son important, mais qui va malgré tout lâcher l'affaire en cours. Et quand bien même, il aura probablement encouragé Kevin Shield à aller jusqu'au bout de ses derniers retranchements. Et puis l'ingénieur du son qui va clore le projet, lui, c'est Dick Minay. Et il faut noter que Dick Minay avait travaillé avec Jason Machen, tout comme Alan Mulder. Voilà. Alors, mis bout à bout, ces séances de studio, sur plus de deux ans, elles ont coûté un argent fou. On a parlé de 600 000 livres, qui est une somme qui paraît un petit peu exagérée. Mais certaines spéculations du Melody Maker ont affirmé, et là, à mon avis, on est plus dans le juste, qu'à l'époque, le disque, sur sa simple fabrication, hein, donc sur sa simple coût de studio, avait coûté 250 000 livres. 250 000 livres, ce serait l'équivalent de pas loin du double aujourd'hui, 480 000 livres en 2021. Donc c'est colossal. C'est absolument colossal. Et payer du studio quand un label ne le peut pas et qu'en plus il n'a pas de quoi sortir des disques, ça a de quoi faire capoter un label. Et c'est presque ce qui va arriver. Le boss de Creation Records, Alan McGee, va devenir, il va devenir fou. Il va devenir complètement fou, on pourrait être à moins. Le label est au bord du gouffre. Il va supplier à genoux, en larmes tous les jours, à Kevin Shield de mettre enfin un terme à l'album. Et Kevin Shield lui dit « Mais oui, si, bien sûr, c'est bon, je finis demain. » Le concept du demain chez Kevin Shield, c'est pas le même espace-temps que chez nous. Et de fait, il y a eu des lectures un peu sardoniques, mais auxquelles je crois beaucoup, qui fait qu'au fur et à mesure que l'album n'en finit pas de finir, les titres qui vont le composer font eux-mêmes référence au temps. « To hear knows when »,« When you sleep ». On pense aussi à « Soon ». « Soon », ça va être le premier maxi qui va ouvrir, finalement, la promesse de cet album qui ne vient pas. Et de manière ironique, et je suis convaincu volontaire, Soon ferme l'album Loveless de My Bloody Valentine, qui finalement paraîtra quand même en 1991. Voilà. Et au milieu de ça, d'autres titres, il y aura un deuxième EP, le fameux Le Tremolo EP, j'en ai fait référence tout à l'heure, qui va comme ça aussi être cette seconde promesse de l'album enfin à venir. Il y a énormément de secrets autour du disque au moment même où se fait. Kevin Shield fait une rétention des bandes. Et ça, c'était l'histoire un peu commune de Kevin Shield qui gardait jalousement dans une caverne de studio ces bandes en attendant de délivrer un produit final. On avait l'image presque magique, presque d'un Sonic Heroic Fantasy, de ce démiurge retranché dans son camp en train de préparer, avec sagesse ou pas d'ailleurs, son grand grimoire sonore. Ben oui, ce sera ça, mais en fait de façon beaucoup plus trash que ça. Parce qu'en fait, Billy Duncan passe de studio en studio. Pourquoi ? Ben parce qu'ils sont virés. Parce que les studios ne sont pas payés. Il y a une fortune. Parce que ça coûte évidemment de l'argent au studio. Enfin, c'est même pas approuvé. Et si vous y restez 3 semaines, ce n'est pas la même chose que si vous restez 3 mois et a fortiori 2 ans. Donc, le groupe est obligé de se barrer avec les masters sous le bras parce qu'effectivement, il y a une menace du studio de garder les bandes afin d'exiger du patron de Creation d'être payé. Donc, on est dans une espèce de quadrature du cercle impossible et un cercle vicieux totalement dingue. Ce qui va rendre le groupe lui-même complètement dingue. Ajouter à ça des tragédies internes. Colin McQuisog va être littéralement mis à la rue en cours d'enregistrement. C'était remis à la rue, il ne peut plus payer son loyer, il est mis dehors. Et le disque n'est pas fait, et lui-même, où est-ce qu'il va, quoi. Comme en plus, ils sont virés d'un studio à l'autre, la batterie n'est pas encore dans un nouveau studio. Enfin. Donc ce disque est semé d'embûches. Et au bout du compte, c'est un strict miracle qui puisse apparaître. Donc certes, ce disque a coûté une fortune, mais il a surtout coûté des larmes. Alors au bout du compte, au bout du compte, on arrive à 10 titres, enfin 11 même, il y a un petit titre, une forme d'instrumental très court, qui est moins d'une minute, qui est probablement peut-être même un morceau qui me touche le plus, et qui va enfin arriver. L'anecdote dit, et c'est Alan McGee qui le rapporte, donc le boss de Creation Records, que quand enfin le disque est arrivé, que les masters étaient écoutables, donc toute l'équipe de Creation Records s'est mis à table autour des enceintes pour écouter enfin l'enfant prodige, enfin le divin enfant, quoi, parce qu'ils misaient tous sur cet album-là. 2 ans à l'attendre. Tout le monde était là, la moindre secrétaire, le livreur, le comptable lui-même se sont mis à pleurer en disant « Oui, ça valait la peine, oui, on a ce disque, oui, enfin ça valait le coup de souffrir. » Parce que voilà, enfin, on y va. Enfin, on va sur ce disque, mais qui, dès la première note, explose même les promesses de merveilleux qu'on entendait. Je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir peur des superlatifs pour ce disque-là. Ce disque est au-delà du génial. Les 3 premiers morceaux, avec ce sample de batterie direct qui va attaquer, parce que finalement, il y a un auto-sample et une surcouche, une superposition comme ça de son qui va définir le son de My Bloody Valentine, qui d'une certaine manière va donner une méta-définition du shoegaze, parce qu'évidemment ce disque va être influent, mais moi, plus que l'influence que ce disque aura, j'y vois en fait la fermeture définitive d'un genre qui précède. Ce disque est le plus bel épitaphe qu'on ait jamais fait du rock et de la pop musique, car ce disque est indépassable. Et moi, à titre personnel, j'hurlais de bonheur à l'écoute de ce disque en me disant « ça y est, c'est fait, c'est beau, ça le sera toujours, et enfin on peut passer à autre chose ». Parce qu'il fallait le passer à autre chose. Et la décennie suivante l'a prouvé, évidemment, à grand renfort d'électronique. Et ne croyons pas que c'est quelque chose qui est échappé à Kevin Shield, je suis même convaincu du contraire. Parce que d'abord, Kevin Shield va convoquer l'électronique, et il va la citer à qui mieux par la suite. Et il va notamment comprendre l'extrême bonheur d'avoir son propre home studio et justement pas être tributaire du studio des autres, quand bien même c'est des studios très coûteux et tous les marasmes que ça a pu coûter. Donc finalement, Kevin Shield est le passeur parfait comme ça, d'une génération à l'autre. Et je me demande s'il appartient pas plus à la deuxième qu'à la première. Voilà. Et tout ça donc pour se faire rencontrer les Beach Boys et le bruit blanc, quoi. Marier Brian Wilson et Lamonte Young. Entre la clarté parfaite et la douleur, il y a un monde immense qui s'appelle « son à fond ». C'est Kevin Shield qui parle. C'est une belle phrase. C'est ce que dit Kevin Shield en s'entretenant avec Olivier Lam. C'est un article qui paraissait cette semaine dans Libération. Je vous conseille de le lire. Il y a 4 pages d'interview passionnantes. Entre la clarté parfaite et la douleur, il y a un monde immense qui s'appelle « son à fond ». Eh bien, écoutez, il est temps d'y aller, non ? Son à fond. Et soyez sûr qu'aujourd'hui, comme au premier jour, Ce simple premier accord va vous transporter et vous transpercer de long en large. C'est Loveless aujourd'hui dans Cargo Cult et c'est avec beaucoup d'amour.

jusqu'à la dernière note. Belle comme au premier jour, quoi. Œuvre majeure, on l'a dit mille fois, évidemment, du Loveless de My Bloody Valentine. Donc c'est en 1991 qu'enfin paraît l'album. Il y a une puissance romantique tellement incroyable dans ce disque-là. Il y a... Et elle ne mollit pas. C'est ça qui est formidable. Justement, sur cette puissance romantique et au sens propre du terme, il y a Pitchfork qui disait quelque chose de très très beau et qui disait que, en parlant justement de le romantisme de l'album, que c'est un romantisme au vrai sens du 19e siècle. C'est-à-dire une œuvre grandiose qui nous relie à l'univers illimité et nous me rappelle à quel point nous, auditeurs, nous sommes d'une petite chose en face de ça. On ne peut dire plus vrai. Cette œuvre, et que je ne cesse de dépeindre comme finalement une œuvre définitive plutôt qu'une œuvre charnière, elle aura raison de pratiquement d'une génération, elle aura raison du groupe lui-même. Ma Bloody Valentine ne va pas survivre à son propre disque. En tout cas en tant que tel. Bon, ils vont revenir, ce sera plus tard. Mais cela dit, il y a un immédiat après Loveless et qui va faire énormément parler de lui. Alors, à commencer par le Roller Coaster Tour de 1992, hein, Cambrai le pas directement à la sortie. Alors ça, la Roller Coaster Tour, elle a marqué toute une génération qui fait le bonheur des ORL aujourd'hui. Quatre groupes, et pas les moins, qui se partagent une scène, essentiellement en Angleterre, mais aussi dans quelques beaux coins d'Europe. Les quatre sont Dinosaur Junior, voilà le padré un peu américain, Blur, plutôt dans la tendance mode du moment, bien sûr, The Judas and the Mary Chain, et My Bloody Valentine. Alors je dis bien sûr, Jason and Mary Chain, parce que effectivement, en tant que figure tutélaire, il se pose là, mais c'est aussi Jim Reed, un des deux frères Reed, qui est un peu le mentor de cette tournée-là. Alors tournée qui, nous dit Wikipédia, est la deuxième tournée la plus bruyante de l'histoire de la musique amplifiée. Du coup, la question, c'est quelle est la première ? Et j'arrive pas à trouver. Donc je pose publiquement la question, n'hésitez pas à revenir à moi par voie de chat, si vous avez une idée très précise de quelle aurait été cette fameuse première tournée la plus bruyante de l'histoire. C'est clair que la Roller Coaster Tour de 92 l'était fortement. Et alors spécialement avec l'acmé du concert qui invariablement finalement était clôturé par le You Made Me Realize de My Bloody Valentine. Hein, donc c'est l'album d'ouverture, en tout cas c'est le morceau d'ouverture du premier album qui est déjà assez subsonique en soi mais dont le break finalement pouvait entre 3 minutes et 15 minutes exploser les tympans d'une foule entière. Le tout associé avec éclairage stromboscopique totalement hallucinant, on pourrait dire agressif d'ailleurs, mais qui est aussi définitivement quelque chose à marquer d'une croix blanche et surtout d'un bruit blanc gros comme ça dans l'histoire de la musique amplifiée. Il y a quelque chose qui m'étonne et qui me touche et qui en même temps s'explique peu sur le culte aujourd'hui totalement inchangé autour de My Bloody Valentine, mais culte qu'on trouve même dans toute l'iconographie qu'on peut trouver à droite et ailleurs. C'est extrêmement réjouissant de voir beaucoup de presse en ce moment autour de My Bloody Valentine, mais invariablement elles vont prendre les mêmes photos d'époque, quand bien même il s'agirait d'évoquer My Bloody Valentine dans leur comeback, puisque finalement j'ai dit qu'ils n'ont pas survécu à leur propre déflagration, mais en fait il y a une renaissance. 21 ans après Loveless, MBV est revenu. My Bloody Valentine est revenu avec MBV, l'acronyme de son propre nom. Et c'est un disque formidable, c'est un disque absolument excellent. Mais, en aucun cas, il peut dégager la puissance, la lumière et toute la force qu'il pouvait incarner en 1991. Quand bien même, c'est un excellent disque. Donc ça nous force à s'interroger sur l'époque. Parce que finalement, le fait même d'ailleurs que l'iconographie du groupe soit inchangée montre cette volonté de fixer une époque. Fixer un culte, peut-être. 1991. Alors, grande année, hein. 1991, immense année. La même année, Massive Attack signe son premier album. La même année, LFO fait du blip une expression durable. La même année, tout à fait dans l'autre camp, mais c'est un camp qui n'est pas assez éloigné de celui de Kevin Shield et My Bloody Valentine, Underground Resistance va délivrer missive sur missive, à raison d'un maxi 45 tours, une déflagration politique, sonique et techno, une fois tous les deux mois. Et puis si quand bien même on veut continuer à parler du rock et du vrai, enfin vrai entre guillemets, 91, c'est aussi, si je ne m'abuse, l'apparition de Nevermind, de Nirvana. Quelle année bénite! Quoi de meilleur peut-être dans la musique rock depuis toujours que la fameuse année 1991. Et finalement, d'un camp comme dans l'autre, d'un culte du bruit qui va comme ça se sacraliser, se fixer. Quoi. Vous savez, Kevin Shield est devenu un expert du bruit, mais à un point qui peut étonner. Il y a cette interview qu'a menée Olivier Lam avec Kevin Shield qui paraît sur Libé, Libération, cette semaine. Et au milieu de l'interview, il y a un coup de feu. Il y a le bruit d'un fusil de chasse. Parce que Kevin Shield vit à la campagne maintenant. Alors, ça surprend tout le monde. On peut tout à fait imaginer la visioconférence ou la discussion au téléphone, mais qui tout d'un coup, quand un coup de feu apparaît, ça surprend. Et en fait, Kevin Shield reconnaît très précisément le bruit de ce coup de feu et nous dit qu'il s'agit d'un calibre 22. Ajoutant que, effectivement, Kevin Shield est devenu expert en bruit de fusil de chasse, que ça lui a pris 7 ans, mais qu'il peut extrêmement reconnaître le calibre de l'arme utilisée au son de cette arme utilisée. C'est formidable, non ? La boucle est bouclée, quoi. Il en profite d'ailleurs, Kevin Shield, dans ce papier, pour revenir sur le storytelling selon lequel My Bloody Valentine aurait totalement ruiné le label Creation. Donc effectivement, ce n'est pas strictement vrai, parce que d'abord, Creation va se refaire la main et très très largement avec Oasis. Alors effectivement, ce n'est pas dans l'année 91 même, mais c'est un petit peu après, et là, il n'y aura plus de problème de finances du côté du label. Mais il en profite certainement pour tordre le cou à une certaine idée reçue, comme quoi bien même le budget initial aurait été dépassé, c'était loin d'être outrancier par rapport à effectivement d'autres dépenses qui s'étaient vues par ailleurs, notamment avec Primal Scream pour leur album Screamadelica, notamment avec House of Love, notamment avec les Happy Mondays, qui avaient grillé tout un budget en drogue, et ça en surprenant personne. Donc finalement, il n'était pas tant exceptionnel que ça, le dépassement de budget, ou supposé dépassement de budget, de My Bloody Valentine pour l'album Loveless. Toujours est-il que, voilà, le grimoire est fait, le grimoire est posé. My Bloody Valentine va, alors s'il faut parler gros sous, finalement quand même la jouer assez finement avec Island et négocier un très très beau contrat. Avec une avance sur recette de 300 000 euros, quelque chose comme ça, pour un disque qui ne paraîtra jamais. Juste jamais. Enfin, il y aura un single, et encore c'est une reprise. Donc rien non plus qui laisse terriblement marque. Le véritable retour de My Bloody Valentine, je le répète, hein, c'est effectivement cet album MBV. Alors lui, tout de bleu vêtu, avec une pochette encore assez abstraite, peut-être plus encore que celle de Loveless. Littéralement 21 ans après la déflagration donc de Loveless, et on était là en 2012. C'est un disque qui vaut le coup, hein, sérieusement, il faut le rater pas, même si évidemment il fait pas l'histoire autant que le premier. Ce qui était intéressant, c'était de noter comment dans cette époque, j'allais dire de transition, c'est plus qu'une transition, parce que Kevin Shield a tourné le dos au groupe, mais plutôt s'isoler dans une fabrication de pas mal de choses, et du coup il va se faire très très discret, mais néanmoins assez présent autour d'amis à lui, autant Space Man Free que d'autres, laisser comme ça des remixes intéressants, des apparitions, et il y en a une parmi d'autres qui m'a beaucoup touché parce qu'elle est un peu inattendue. C'est une reprise par Kevin Shield et DJ Spooky, The Rapper's Delight. Rapper's Delight, évidemment, le premier titre tutélaire du hip-hop enregistré par Sugar Hill Gang sur le label Sugar Hill. Et je crois qu'on est en 1979 à ce moment-là. Et alors, le fait même que cette reprise s'intitule d'ailleurs du nom de la reprise, c'est-à-dire Rapper's Delight, est plein d'hommages et d'ironie. Parce que, avouons-le de facto, le Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, c'est déjà une reprise. C'est un cover et un sample totalement éhonté, pas du tout dissimulé, du Good Times, de Chic. et cette mythique basse de Bernard Edwards. J'ai osé, hein. Je suis un peu en dessous du vrai, évidemment, mais ouais, j'ai pas peur. Kevin Shield et My Bloody Valentine donnent des ailes. Et justement, Kevin Shield n'a pas eu peur d'aller vers ce camp-là. Hein. On le voit pas comme ça, du côté hip-hop, du côté black, du côté home studio. Et je suis convaincu qu'effectivement, Kevin Shield lorgnait du côté que ça. Il avouait son admiration pour Public Enemy. Et la façon dont Public Enemy empile les samples et joue comme ça, de kaleidoscope comme ça, à focale multiple autour d'un sample, sur un sample ajouté. On est dans un travail du son et du subsonique absolument faramineux, absolument gigantesque, et aussi admirable que celui qui a été fait par Kevin Shield pour Loveless et pour sa suite. Quoi. Donc en guise d'au revoir, bah, ce titre, alors lui pour le peu connu, et qui mérite franchement éclairage, de DJ Spooky avec Kevin Shield, donc pour cette reprise assez étonnante de Rapper's Delight. J'ai très très heureux de partager aujourd'hui avec amour ce cargo culte. À la semaine prochaine, avec un disque probablement très largement plus kitsch, très largement plus cheesy, et pourtant beaucoup beaucoup moins connu que celui dont on a parlé aujourd'hui. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Electric information environment, minority groups can no longer be contained or ignored. Too many people know too much about each other. Our new environment compels commitment and participation. We have become irrevocably involved with and responsible for each other. It is a matter of the greatest urgency that our educational institutions realize that we now have civil war among the environments created by media other than the printed word. The classroom is now in a vital struggle for survival with the immensely persuasive outside world created by new information and media. Schizophrenia may be a necessary consequence of literacy.